إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، nous en sommes aujourd'hui au chapitre 29 que l'auteur رحمه الله تعالى a intitulé chapitre au sujet de ce qui est rapporté concernant l'astrologie. Ce qui est visé par l'astrologie, comme on l'a mentionné dans un cours précédent, c'est l'ensemble des croyances soutenant que les astres ont une influence sur le cours des événements terrestres. Et ceci est une croyance ancienne qui était présente chez ceux vers qui a été envoyé Ibrahim alayhi salam. Ils adoraient les astres et croyaient que ceci avait une influence sur les événements dans le monde. Et ceci est encore présent jusqu'à nos jours dans de nombreux endroits, Allah al-Musta'an. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a donc voulu nous démontrer ici que cette croyance, elle s'oppose à la croyance authentique, la croyance du tawhid, et qu'elle y porte atteinte en totalité ou en partie, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. Il commence en disant, Al-Bukhari a dit dans son authentique, Qatada a dit, Qatada qui fait partie des savants, des pieux prédécesseurs. Allah subhanahu wa ta'ala a créé ses étoiles pour trois choses. Embellir le ciel, lapider les démons et pour être des signes pour se diriger. Par conséquent, quiconque déduit à leur sujet autre que cela, il s'est trompé, a perdu sa part et s'est chargé de ce dont il n'a aucune science. Donc dans ce récit, Qatada rahimahullah ta'ala nous expose les sagesses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a créé les étoiles. Il nous dit que la première sagesse est d'embellir le ciel, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 5 de Surat al-Mulk. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ. Nous avons embelli le ciel, le plus proche, avec des lampes. Et ce car les étoiles sont comme des lampes qui scintillent. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 6 de Surat al-Safat, إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. Nous avons embelli le ciel le plus proche par la beauté des étoiles. Ceci est donc la première sagesse pour laquelle les étoiles ont été créées. La deuxième, il nous dit, pour lapider les démons, comme on l'a vu dans un cours précédent. Les démons, ils tentent de dérober furtivement des informations du ciel en espionnant les anges. Ils montent donc les uns sur les autres afin de dérober certaines informations, puis ensuite, ils vont les transmettre aux voyants parmi les hommes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, afin de les empêcher d'accomplir cela, il a préservé les cieux par les météores, qui partent des étoiles et qui brûlent ces démons rebelles et les font périr. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet dans la suite des deux versets que l'on vient de mentionner, وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Et nous en avons fait des projectiles pour lapider les diables. Et dans le verset de Surat al-Safat, وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. Afin de le protéger contre tout diable rebelle. La troisième sagesse pour laquelle les étoiles ont été créées, c'est pour être des signes pour que l'on puisse se diriger. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet dans les versets 15 et 16 de Surat al-Nahl. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. Et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas, en vous emportant avec elles de même que des rivières et des sentiers pour que vous vous guidiez, ainsi que des points de repère, et au moyen des étoiles, les gens se guident. Allah subhanahu wa ta'ala, elle a donc placé sur terre, pour les voyageurs, et ceux qui se déplacent sur celle-ci, des points de repère afin qu'ils puissent se guider. Et il a placé aussi des points de repère dans le ciel. Les points de repère sur terre, ce sont les routes, les sentiers, les montagnes, les rivières et ainsi de suite. Ceci permet aux gens de savoir où se diriger et où ils se trouvent. Et également dans le ciel, il a placé les étoiles, le soleil et la lune. Et les gens s'en servent pour trouver leur chemin lorsqu'ils sont en voyage. D'autant plus dans la mer, dans laquelle il n'y a ni route, ni montagne, ni rien du tout. Les marins auparavant, ils ne se guidaient que par l'observation des étoiles. Et également lorsque la personne se trouve dans un endroit désertique, les étoiles lui permettent de pouvoir connaître les points cardinaux pour celui qui a la connaissance de cela. Donc l'observation des étoiles, elle te permet de connaître les points cardinaux, de connaître le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et elle te permet ainsi également de connaître la direction dans laquelle tu dois prier, la direction de la Qibla. Ceci fait donc partie des sagesses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a créé les étoiles. Et celui qui voudrait ajouter à ces trois choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans son livre d'autres raisons de l'existence des étoiles, alors comme l'a dit Qatada, par conséquent, quiconque déduit à leur sujet autre que cela, autre que ces trois sagesses, il s'est trompé. En effet, il s'est trompé car Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas créés pour cela, comme ceux qui disent que les astres ont une influence sur les événements terrestres, ou ceux qui croient que les étoiles sont la cause de la venue des vents, ou de la descente de la pluie, ou de la mort d'une personne, ou de la naissance d'une personne, et ainsi de suite parmi les différentes croyances qu'ils peuvent avoir. Comme ceux qui disent que ceux qui naissent sous cette étoile seront bienheureux et ceux qui naissent sous cette étoile seront malheureux, et ainsi de suite parmi les croyances erronées qui s'opposent à la croyance authentique. Tout ceci fait partie des conjectures et des choses infondées au sujet desquelles il n'y a aucune preuve. Et ce n'est pas pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les étoiles. Donc lorsqu'il dit, rahimahullah, quiconque déduit à leur sujet autre que cela, c'est-à-dire quiconque croit autre que cela à leur sujet, autre que les trois choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans son livre. Il s'est certes trompé, il a perdu sa part. Qu'est-ce que ça veut dire il a perdu sa part? C'est-à-dire il a perdu sa part de la religion. Et ceci sous-entend qu'il est tombé dans la mécréance, wal'iyadu billah. Et il s'est imposé ce dont il n'a aucune science. Et ce car il ne s'est basé que sur des conjectures et des choses au sujet desquelles il n'a aucun argument. Et telle est la situation de ceux qui croient aux astres, qui croient en l'astrologie, wal'iyadu billah. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, étant donné que les astres sont un moyen de se guider et nous permettent de distinguer certaines choses qui peuvent être profitables à l'homme, il a alors mentionné un autre sujet afin de lever toute ambiguïté sur cette question. Il a dit, rahimahullah, Qatada réprouvait que l'on apprenne les phases de la lune. Et Ibn Uyayna ne l'a pas autorisé. Il n'a pas autorisé l'apprentissage des phases de la lune. Harb a mentionné cela d'eux. Quant à Ahmed et Ishaq, ils ont permis cela. Donc Qatada et Ibn Uyayna, qui sont deux parmi les savants des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ils réprouvaient l'apprentissage des différentes phases de la lune. En effet, la lune, durant le mois, elle occupe différentes positions. Ceci permet ainsi de connaître le début et la fin du mois, et à d'autres bénéfices. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est permis d'apprendre ces phases dans le but des calculs astronomiques? Les savants ont divergé à ce sujet en deux avis. Le premier avis est celui de Qatada et de Sofyan ibn Uyayna, qui ont interdit cela. Non pas parce que cela est interdit en soi, mais parce que cela pourrait être une cause menant à ce qui est interdit. En effet, il se peut qu'une personne commence par apprendre l'astronomie, les phases de la lune et ainsi de suite, puis qu'il se mette à penser ou à croire que ces phases ont une influence sur les événements qui se produisent sur Terre et avoir d'autres croyances vis-à-vis des astres. C'est pour cela qu'ils ont voulu couper court à ces croyances. Le deuxième avis est qu'il n'y a pas de mal en cela. Il n'y a pas de mal d'apprendre les différentes phases de la lune. Et ceci est l'avis de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, et de Ishaq Ibn Rahouya, ainsi que de nombreuses personnes parmi les gens de science. Et cet avis est l'avis le plus juste, inshallah ta'ala. Et ce, car cette science, elle comporte de nombreux bénéfices pour les hommes, elle ne renferme aucun interdit en elle-même. Mais ce qui est interdit, c'est de croire que les astres ont une influence sur les événements qui se produisent sur Terre. Et c'est cela qui est visé par l'astrologie. Et l'astrologie elle-même se divise en trois catégories, qui toutes sont interdites, mais qui sont de différents degrés, comme on va le voir. La première catégorie d'astrologie, c'est le fait de croire que les astres, ce sont eux qui produisent les événements terrestres. C'est-à-dire que ces événements, les choses qui se passent sur Terre, ils sont produits par les mouvements des astres, et ainsi de suite. Et telle était la croyance des Sabéens. Ils reniaient donc le Créateur. et penser que tout ce qui se produit sur terre comme bien ou comme mal, comme santé ou comme maladie, et ainsi de suite parmi les événements qui se produisent sur terre, que tout ceci provenait des étoiles. Ils attribuaient donc tout cela aux étoiles, et ceci est de la mécréance évidente à l'unanimité des musulmans. Le deuxième type d'astrologie, c'est que la personne ne croit pas que ce sont les astres qui produisent ces événements, mais qu'elle croit que ces astres sont une cause pour que ces événements se produisent. C'est-à-dire qu'elle a la conviction que ces événements sont créés par Allah subhanahu wa ta'ala, mais que les astres en sont la cause. Il attribue donc les événements terrestres aux astres comme si les astres en étaient la raison. Et ceci également est une croyance erronée et qui est interdite et qui relève du polythéisme mineur. Celui qui croit cela, il ne sort pas de la religion de l'islam, toutefois il a commis un grave péché. Il a commis du shirk asrar. Ce n'est donc pas une chose insignifiante. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas fait de ces astres des causes. Et il n'y a pas de lien entre les astres et les événements qui se produisent sur terre. Et il n'y a pas de lien entre les astres et la descente de la pluie ou la sécheresse. Et il n'y a pas de lien entre les astres et la venue des vents ou non. Et ainsi de suite parmi les différents événements qui se produisent. Car tout ceci revient à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui administre tout dans cet univers. Et les étoiles n'ont aucun lien avec cela. Le troisième type d'astrologie, c'est le fait de se servir des étoiles comme preuve ou indication des événements futurs, pour prédire l'avenir. Et ceci revient à prétendre connaître la science de l'imperceptible, ilm al-ghayb. Et ceci fait partie de la sorcellerie et de la voyance. Et comme on l'a vu dans des cours précédents, c'est de la mécréance à l'unanimité des musulmans. Donc ces trois catégories d'astrologie, elles sont toutes interdites. Et comme vous l'avez vu, la première et la dernière sont les plus graves. Et malheureusement, il est répandu aujourd'hui, chez beaucoup de personnes, que celui qui va se marier par exemple sous tel astre, alors son mariage sera un mariage heureux. Et que celui qui se marie sous tel astre, alors son mariage sera un mariage malheureux. Ou alors que celui qui naît sous tel astre et qui a tel signe astrologique, alors il vivra une vie comme ceci et comme cela, et ainsi de suite. Et tout ceci fait partie de la prétention de la connaissance de l'invisible. Et cela est de la mécréance majeure. Donc ces horoscopes que tu peux voir dans les magazines ou les journaux, ou encore sur les sites internet et les réseaux sociaux, notamment en cette période en début d'année, où ils diffusent leurs mensonges et leurs faussetés parmi les choses qu'ils présagent pour ceux qui sont nés sous tel astre, ceux qui sont nés sous tel astre, et ainsi de suite. Celui-ci aura une année heureuse, celui-ci aura une année malheureuse, celui-ci vivra certains événements difficiles, celui-ci réussira dans son commerce, et ainsi de suite parmi les faussetés qu'ils propagent, walayadu billah. Tout ceci fait partie des croyances de la jahiliya, qui s'opposent à la croyance authentique de l'islam. Celui qui croit en cela, il a mécru en ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui pourrait se laisser tenter de le lire, sans y croire, simplement par curiosité. Il va sur Internet, sur un site, lui vient sous les yeux un de ses horoscopes. Il se laisse aller par curiosité à le lire. Alors celui-ci, il est comme celui qui a consulté un voyant. Même s'il n'y croit pas, sa prière ne sera pas acceptée durant 40 jours. Donc ne pensez pas que ce n'est pas grave, que c'est juste quelques mots que je vais lire, il n'y a pas de danger, car ceci est un grave péché duquel le musulman doit se préserver et s'éloigner. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné un hadith et il a dit, d'après Abu Moussa, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, trois personnes ne rentreront pas au paradis. Ceci est donc une menace sévère à l'encontre de ces trois personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous citer. Il dit premièrement, l'alcoolique, celui qui boit sans cesse de l'alcool et qui ne se repent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de consommer des boissons enivrantes, ceci fait partie des grands péchés. Et celui qui considère cela licite, c'est-à-dire qu'il considère que boire de l'alcool est licite en islam, alors celui-ci l'a mécru, car il a rendu licite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a formellement interdit. Et celui qui a la conviction que cela est interdit et que cela est un péché, mais qu'il le boit par faiblesse ou parce qu'il suit ses passions et ses désirs, alors celui-ci, il a commis un grand péché. Et il est considéré comme musulman pervers, à la fois faible. Et il faut savoir qu'il y a une peine légale pour cela en islam. Ce n'est donc pas un péché à prendre à la légère. Et Allah subhanahu wa ta'ala a établi une peine légale pour ce grand péché afin de préserver la raison, qui est la chose la plus noble qui a été accordée à l'homme. Le fait d'avoir la raison, de pouvoir distinguer entre le bien et le mal, de distinguer entre ce qui est profitable et ce qui est nuisible, et ainsi de suite. Ceci fait partie des choses les plus nobles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordées. Et celui qui perd sa raison, comme c'est le cas de celui qui est en état d'ivresse, alors il est encore plus vil qu'un animal. Il perd toute valeur morale, il va se nuire à lui-même et nuire aux autres, et ainsi de suite parmi les choses qui peuvent être commises lorsque la personne est en état d'ivresse. Et combien de méfaits dans les sociétés sont la conséquence de la consommation d'alcool, que ce soit les violences familiales, les accidents de la route, ou pire encore, des meurtres. Wallahu al-musta'an. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit dans notre noble religion, qui est une religion parfaite, la consommation des boissons enivrantes. Et il a légiféré, pour celui qui commet ce péché, une peine légale ici-bas et une menace sévère dans l'au-delà. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans ce hadith, il ne rentrera pas au paradis. Cela ne veut pas dire qu'il sort de l'islam, car, comme on a dit, tant qu'il sait que c'est un péché, mais qu'il fait cela par passion, qu'il suit ses désirs, il est musulman, mais c'est un musulman à la fois faible, un musulman qui est en danger tant qu'il ne se repent pas. Et il est sous cette menace sévère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, mentionnant la deuxième personne qui ne rentrera pas au paradis, celui qui rompt les liens de parenté. Les personnes avec qui tu es lié par la parenté, ce sont tous tes proches du côté paternel et maternel. Et entretenir les liens de parenté est une chose obligatoire en islam, après la bonté envers les parents. Et lorsque l'on parle de maintenir les liens de parenté, cela désigne les liens avec les enfants, les petits-enfants, les frères et sœurs, les neveux, ainsi que les oncles et les tantes, paternels et maternels. De même que les grands-parents des côtés paternels et maternels. Et les premiers avec qui il est obligatoire d'entretenir les liens, ce sont les parents, car ce sont les plus en droit de notre bonté. Puis viennent après eux les enfants, puis les frères et leurs enfants, puis les oncles et les tantes paternels et leurs enfants, puis les oncles et les tantes maternels et leurs enfants. Tout ceci rentre dans la généralité de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidil qurba. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé et faites preuve de bienfaisance envers les parents et envers ceux avec qui vous avez un lien de parenté. Ceci est donc une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée. Par conséquent, celui qui rompt les liens de parenté, il a alors commis un grand péché. Et il a été maudit dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, au verset 22 et 23 de Sourate Muhammad, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Ceux-là sont ceux qu'Allah a maudits, ceux qu'Allah a privés et éloignés de sa miséricorde. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et dans le hadith al-Qudsi, rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon le sens, en s'adressant au lien de parenté, celui qui te maintient, alors je le maintiendrai, je maintiendrai le lien avec lui. Et celui qui te rompt, alors je romprai le lien avec lui. Et dans ce hadith que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui rompt le lien de parenté ne rentrera pas au paradis. Ceci est donc une menace sévère contre celui qui commet ce grave péché. Enfin, la troisième personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citée, et qui est la raison pour laquelle l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ce hadith dans ce chapitre, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi ces personnes qui ne rentreront pas au paradis, il y a celui qui croit en la sorcellerie. Et si on pourrait se dire, quel est le lien avec ce chapitre? Le chapitre concerne l'astrologie. Pourquoi le cheikh rahimahullah ta'ala a cité un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclare cette menace à l'encontre de celui qui croit en la sorcellerie? La réponse est que l'astrologie, elle fait partie des formes de sorcellerie. Rappelez-vous le hadith que l'on a vu dans un chapitre précédent au sujet des sortes de sorcellerie. lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui apprend une branche de l'astrologie a certes appris une branche de la sorcellerie. Celui qui apprend une part de la science de l'astrologie, c'est comme s'il avait appris une part de la sorcellerie. Donc l'astrologie, c'est une sorte de sorcellerie. Et c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce hadith dans ce chapitre. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous indique que celui qui croit en la sorcellerie, et entre dans cela celui qui croit en l'astrologie, il ne rentrera pas au paradis. Il se peut qu'il ne rentre pas au paradis en raison de sa mécréance, comme on l'a vu, s'il croit que les astres produisent les événements qui se passent sur Terre, ou alors s'il croit que les astres sont des indications et des preuves d'événements futurs et qu'il prétend connaître l'invisible, alors celui-ci est mécréant. Il ne rentrera donc pas au paradis en raison de sa mécréance. Et il se peut qu'il n'y rentre pas en raison de son péché, si cela concerne le deuxième type d'astrologie que l'on a mentionné. Quoi qu'il en soit, on voit à travers cela qu'il est obligatoire pour le musulman de prendre garde et de s'éloigner de toutes ses croyances liées aux astres. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, après ce chapitre, a mentionné un autre chapitre qui est lié à celui-ci. Il a donc dit, dans le 30e chapitre, chapitre sur ce qui est rapporté sur l'attribution de la pluie aux étoiles. Littéralement, le titre est ce qui est rapporté sur la demande de la pluie aux étoiles. Mais ce qui est visé, comme on va le voir, c'est l'attribution de la pluie aux étoiles, c'est-à-dire le fait de croire que les étoiles, ce sont elles qui font tomber la pluie, ou alors qu'elles sont des causes de la tombée de la pluie. On voit donc que ceci rentre dans l'astrologie, dans ce que le shir, rahimahullah ta'ala, a mentionné dans le chapitre précédent. Mais ceci est un point plus particulier. Et il a mentionné à ce sujet un verset des hadiths, comme on va le voir, inshallah ta'ala. Le premier verset est le verset 82 de Sourate Al-Waqi'a, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Donc ce verset, selon le sens, il veut dire: et vous faites preuve d'ingratitude, c'est-à-dire d'ingratitude vis-à-vis d'Allah quant à votre subsistance. La subsistance qui est visée ici, c'est la pluie. Vous faites preuve d'ingratitude quant à la pluie, et ce en démentant. C'est-à-dire que leur manière d'être reconnaissant pour cette subsistance qui est tombée du ciel, c'est de démentir qu'elle vient d'Allah et de l'attribuer aux étoiles, wal'iyadhu billah. Et telle était la situation des gens de la Jahiliya, qui disaient que la pluie descendait en raison de l'apparition de tel astre ou en raison de la disparition de tel astre. Ils attribuaient donc la descente de la pluie à l'apparition ou la disparition des astres. Allah subhanahu wa ta'ala les a donc démentis dans son noble livre en révélant ce verset. Et vous faites preuve d'ingratitude quant à votre subsistance, quant à la pluie. En démentant qu'elle vient d'Allah et en l'attribuant aux étoiles. Et ceci est un mensonge évident. Car celui qui fait descendre la pluie, ce n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont pas les astres. En prétendant cela, ils ont donc menti sur Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont fait preuve d'ingratitude vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que l'obligation pour la personne, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde un bienfait, c'est de faire preuve de reconnaissance. Et entre dans la reconnaissance le fait d'attribuer ce bienfait à celui qui l'en a comblé, qui n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais eux, ils l'ont attribué à autre qu'Allah. Ils l'ont attribué aux astres. Allah subhanahu wa ta'ala les a donc blâmés en raison de cette parole et les a considérés comme menteurs. Car ceci est un mensonge dans le domaine de la croyance. Et il n'y a pas de doute que le plus grave des mensonges et le mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala est le mensonge dans le domaine de la croyance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ. Et qui est plus injuste que celui qui ment sur Allah? Donc celui qui ment sur Allah et qui attribue les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala à autre que lui, qui attribue la descente de la pluie à une créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, il a certes menti sur Allah subhanahu wa ta'ala d'un grave mensonge. Il n'y a pas de doute que ceci est une des plus graves formes d'ingratitude. Quant au jugement de cela, les savants ont détaillé cette question, de la même manière que l'on l'a mentionné au sujet de l'astrologie. C'est-à-dire que celui qui croit que c'est l'étoile qui fait descendre la pluie, alors celui-ci, il mécroit d'une mécréance majeure, et il sort de la religion de l'islam. Quant à celui qui croit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait descendre la pluie, mais qu'il l'attribue aux astres, dans le sens où il croit que cet astre est la cause de la descente de la pluie, alors celui-ci, il a commis de la mécréance mineure, du kufr et du shirk asghar. Et ce, car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait des astres une cause de la descente ou non de la pluie. Et ceci est un moyen menant à la mécréance majeure, wal iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, dans de multiples versets, il a clairement dit que c'est lui qui fait descendre la pluie. À titre d'exemple, il dit dans le verset 22 de Surat al-Hijr, فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُ. Nous avons fait descendre du ciel une eau dont nous vous abreuvons. Il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 9 de Surat Qaf, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie. Il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 22 de Surat al-Baqara, وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Il précipite la pluie du ciel et par elle a fait sortir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. On se rend compte à travers cela la gravité d'attribuer la pluie à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la pluie c'est une source de subsistance pour les hommes et pour les animaux. Allah subhanahu wa ta'ala par cette pluie nous abreuve. Allah subhanahu wa ta'ala par cette pluie il fait pousser toutes sortes de fruits et de légumes pour nous nourrir. Allah subhanahu wa ta'ala par cette pluie il abreuve les animaux dont nous nous nourrissons. C'est donc une grave forme d'ingratitude que d'attribuer la pluie à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala a mentionné des hadiths, dont le premier est rapporté par Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a quatre choses dans ma communauté qui font partie des choses de la jahiliya, c'est-à-dire des choses d'avant l'islam, et qu'ils ne délaisseront pas. » On voit donc à travers ce hadith qu'il y a des choses de la jahiliya qui sont toujours présentes chez les musulmans, au sein de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui peuvent se trouver même chez des croyants véridiques, mais qui tombent dans certaines de ces choses qui relèvent de la jahiliya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a mentionné quatre ici, et en réalité il y en a une multitude d'autres, comme cela est prouvé par les textes. Et pour plus de détails à ce sujet, vous pouvez revenir au livre « Masailul Jahiliya », les préceptes de la jahiliya, que l'islam a aboli. Et vous pouvez retrouver une explication de ce livre que j'ai donné par le passé sur la radio et dont les enregistrements sont disponibles sur le site. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de quatre choses qui sont présentes dans la communauté. C'est-à-dire que ceux chez qui elles sont présentes ne sortent pas de la religion de l'islam tant qu'ils ne font pas de shirk et tant qu'ils ne font pas une chose parmi les annulatifs de l'islam. Donc ce n'est pas toute personne qui commet une chose de la jahiliya qui est mécréant. Toutefois, il commet en cela un péché, il doit s'en repentir et délaisser cette chose. Donc la première des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite dans ce hadith, c'est le fait de se vanter de son rang social. Que la personne se vante de sa noblesse, de la noblesse de ses ancêtres, du rang qu'elle occupe au sein de la société. Et ceci est interdit. Le fait que tu sois issu d'un haut rang social, ceci n'a aucune influence quant à la place que tu occupes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 13 de Surat al-Hujurat, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, inna akramakum indallah atqakum. Ô vous les gens, nous vous avons créés à partir d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus. Pourquoi? Afin que vous vous reconnaissiez, afin que l'on se reconnaisse les uns les autres. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala, afin d'attirer notre attention sur le fait que ceci n'a aucune importance quant à la place que l'on occupe auprès de lui, il dit, selon le sens, est certes le plus noble d'entre vous auprès d'Allah et le plus pieux. C'est-à-dire que la noblesse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas ton rang social, ce n'est pas que tu sois pauvre ou riche, ce n'est pas que tes ancêtres soient issus de telle ou telle tribu, ou qu'il soit de telle ou telle origine, ou de telle ou telle caste. Mais la noblesse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ta piété. C'est cela qui te donne un haut rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shir rahimahullah ta'ala a mentionné à ce sujet que s'il est interdit à la personne de se vanter de ses propres œuvres, c'est-à-dire de son propre rang social qu'il a pu atteindre par ses œuvres, par son travail, ainsi de suite, alors que dire du fait de se vanter des œuvres de son père ou de son grand-père? Il n'y a pas de doute que ceci est d'autant plus interdit. Car la personne n'a aucun mérite en cela, pas même dans ce bas monde, wallahu musta'an. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné une deuxième chose qui font partie des choses de la jahiliya et qui sont présentes dans la communauté, qui est le fait de dénigrer les origines. et ce car dénigrer les origines des gens, cela sous-entend que la personne pense être supérieure aux autres. Celui qui dénigre les origines des gens, c'est qu'il pense que son origine est supérieure, et que les autres sont méprisables. Et tout ceci est interdit dans notre noble religion. Ensuite, la troisième chose qui fait partie des choses de la jahiliya, qui sont présentes dans la communauté, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith, c'est le fait d'attribuer la pluie aux étoiles. Et c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce hadith dans ce chapitre, afin de nous montrer que ceci fait partie des choses qui étaient présentes au temps de la jahiliya, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cela. Le musulman, il doit donc prendre garde à ne pas attribuer la pluie aux étoiles, et à toujours se rappeler que la pluie, elle ne provient que d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, celui qui croit que ce sont les étoiles qui font tomber la pluie, alors celui-ci le mécroit d'une mécréance majeure. Et celui qui croit que les étoiles sont une cause et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait tomber la pluie, alors il a commis du polythéisme mineur qui ne le fait pas sortir de l'islam, mais qui est tout de même un grave péché. Et il est sous la menace de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Quant au fait de dire « Nous avons eu de la pluie sous tel astre », alors ceci est permis et il n'y a pas de mal en cela, inshallah ta'ala. Car ce n'est pas une manière d'attribuer la pluie aux étoiles. C'est comme si tu disais « Nous avons eu de la pluie tel jour ou tel mois ou telle semaine ou à telle heure ». Il n'y a pas de gêne en cela, inshallah ta'ala. Mais ce qui est interdit, c'est d'attribuer la pluie à l'étoile en pensant que c'est celle-ci qui est la cause de la tombée de la pluie. Ensuite, la quatrième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith, c'est les lamentations sur un mort, c'est-à-dire après un décès. Le fait d'élever la voix pour se plaindre et se lamenter, ceci est interdit. D'autant plus si cela est accompagné du fait de se déchirer les vêtements ou de se frapper les joues, et ainsi de suite parmi les choses que les gens peuvent faire pour se lamenter. Et ceci fait partie des grands péchés. Il est obligatoire pour le musulman lorsqu'il est touché par une telle calamité, la perte d'un proche, la perte de quelqu'un de sa famille, la perte d'une personne qui lui est chère, de faire preuve de patience et d'espérer la récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ne faisant et en ne disant que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala sans se lamenter. Car le fait de se lamenter, de crier, de se déchirer les vêtements, de se frapper, ceci indique que la personne n'est pas satisfaite de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Et ceci indique un manque évident de patience. Et tout ceci relève des choses de la jahiliya que l'islam est venu abroger et interdire. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et celle qui se lamente, si elle ne se repent pas avant de mourir, on la fera se lever au jour de la résurrection, portant un vêtement de goudron et un autre de gale. » Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Et celle qui se lamente, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé ici la femme, car c'est elle qui est le plus sujette à ce genre de lamentation. Donc celle qui se lamente et qui ne se repent pas, c'est-à-dire qui ne délaisse pas ce péché et qui ne le regrette pas, alors elle est sous la menace qu'il va citer. Mais si elle se repent, qu'elle remplit les conditions du repentir, qu'elle revient à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle délaisse ce péché, qu'elle le regrette, et qu'elle a la ferme volonté de ne plus commettre ce péché, alors si elle remplit ces conditions, son repentir est accepté, incha'Allah ta'ala. Et ceci nous indique également que le repentir efface l'ensemble des péchés, même si c'est un grand péché, même si c'est du shirk ou de la mécréance, car le repentir efface tout ce qui le précède à partir du moment où la personne remplit les conditions du repentir et est véridique avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il dit si elle ne se repent pas avant de mourir, et ce car, au moment de l'agonie, le repentir n'est plus accepté. On la fera lever au jour de la résurrection, c'est-à-dire lorsqu'elle sortira de sa tombe, portant un vêtement de goudron et un autre de gale. Ceci est donc une menace sévère à l'encontre de celle qui se lamente après la perte d'un proche ou suite à un décès. On voit donc à travers ce hadith l'interdiction et le blâme contre ces choses qui font partie des choses de la jahiliya, qui font partie des grands péchés que l'islam est venu interdire. Donc celui qui sait qu'il a en lui une de ces choses, ou qu'il commet un de ces péchés, il lui incombe de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'en se repentir avant qu'il n'en soit trop tard. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala a mentionné un second hadith et il a dit, et ils ont tous deux rapporté, c'est-à-dire al-Bukhari et Muslim, D'après Zayd ibn Khalid, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dirigea la prière de l'aube à Al-Hudaybiyah, Hudaybiyah qui est un endroit à proximité de Mecca. Lorsqu'il termina, il se tourna vers les gens. Telle est la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Que lorsque l'imam termine la prière, il ne reste pas dirigé vers la qibla, mais il se tourne vers les fidèles et leur fait face, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a ensuite dit, savez-vous ce qu'a dit votre Seigneur? Il commence ici à exhorter ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, et ce en leur adressant cette question, afin d'attirer leur attention sur ce sujet qui est un sujet très important. Et ceci nous montre qu'il est légitime, pour l'imam ou autre, de sermonner les gens après la prière, notamment si cela est nécessaire, qu'il y a besoin d'attirer l'attention au sujet d'une erreur qui s'est produite, ou d'attirer l'attention sur une obligation qu'il faut accomplir, et ainsi de suite. Il est légiféré de sermonner les gens de temps à autre, mais de ne pas le faire continuellement, afin que les gens ne se lassent pas, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donc répondu, « Allahu wa rasuluhu a'lam. » Allah et son messager savent mieux. Ils ne savent pas la réponse, ils ne s'imposent pas de parler sur une chose qu'ils ne connaissent pas, ils ne font pas de conjectures, ils ne disent pas « je pense que », « il se peut que », ils ne savent pas la réponse donc. Ils renvoient la science à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et à son messager, cela a été permis de son vivant, sallallahu alayhi wa sallam. Mais après sa mort, nous disons seulement « Allahu a'lam », « Allah sait mieux ». Il dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, « il a dit », c'est-à-dire « Allah a dit ». Et ceci nous montre également qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parmi ses attributs la parole. Il parle quand il veut et comme il veut subhanahu wa ta'ala. D'une parole qui convient à sa majesté subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas semblable à celle des créatures. Il a donc dit subhanahu wa ta'ala selon le sens. Ce matin, certains de mes serviteurs ont cru en moi et d'autres ont renié. C'est-à-dire ce matin en raison de la tombée de la pluie. Certains de mes serviteurs ont cru en moi, m'ont attribué ce bienfait. Et d'autres ont renié cela. On voit à travers cela que l'obtention d'un bienfait, c'est en réalité une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de personnes pensent que les épreuves, c'est seulement les choses négatives qui t'atteignent. Les maladies, les accidents, la perte d'un proche, la perte d'argent, ainsi de suite. Mais en réalité, lorsque tu es comblé par un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la santé, l'argent, ceci en réalité c'est une épreuve également, afin de voir si tu es reconnaissant. Donc les serviteurs, lorsqu'ils reçoivent des bienfaits de la part d'Allah, certains croient en lui, c'est-à-dire certains sont reconnaissants envers lui, et d'autres renient ce bienfait et font preuve d'ingratitude en l'attribuant par exemple à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a expliqué cela, sallallahu alayhi wa sallam, toujours rapportant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui a dit, nous avons eu de la pluie par la grâce d'Allah, c'est-à-dire celui qui a attribuer ce bienfait à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-ci est croyant en moi et a renié les étoiles. C'est-à-dire qu'il n'a pas attribué ce bienfait aux étoiles, mais il l'a attribué au créateur des étoiles, subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui a dit, nous avons eu la pluie en raison de tel ou tel astre. Comme on a dit, lors de l'apparition ou la disparition d'une étoile, il croyait que ceci était la cause de la descente de la pluie. Il n'attribuait donc pas ce bienfait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est de la mécréance. Il dit donc, quant à celui qui a dit nous avons eu la pluie par tel ou tel astre, alors celui-ci a mécru en moi et a cru aux astres. Ceci nous indique donc que le fait d'attribuer la pluie aux astres, cela est de la mécréance. Car la pluie ne descend que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui la fait descendre quand il veut, où il veut, et il en prive qui il veut subhanahu wa ta'ala. Quant aux étoiles, elles peuvent se lever et apparaître sans qu'il n'y ait de pluie. Et elles peuvent se coucher et disparaître sans qu'il n'y ait de pluie. Et ceci est une chose qui est observable. La pluie n'est donc pas liée à l'apparition ou la disparition des astres, mais elle ne tombe que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit à travers ce hadith qu'il est légiféré, lors de la tombée de la pluie, de dire « Mutirna bifadlillahi wa birahmati » « Nous avons eu de la pluie par la grâce d'Allah et sa miséricorde. » Et ce afin de faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait immense. Car la pluie, c'est un bienfait immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc obligatoire pour nous de faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre dans cela le fait de lui attribuer la descente de cette pluie et non pas de l'attribuer à autre que lui parmi les créatures. Enfin, le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un troisième hadith et il a dit Ils ont tous deux rapporté, ils visent donc Al-Bukhari et Muslim, mais ce hadith n'a été rapporté que par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Le hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah, en ce sens, et il y a dans celui-ci, certains ont dit, telle étoile a dit vrai. C'est-à-dire que la venue de cette étoile a été la cause de la pluie. Allah subhanahu wa ta'ala a alors révélé les versets 75 à 82 de Surat Al-Waqi'a, dont les sens rapprochés sont, non, je jure par les positions des étoiles. Et c'est vraiment un serment solennel si vous saviez. Et c'est certainement un Coran noble, dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge? Et est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant pour votre subsistance que de démentir cela? Et ce verset, le verset 82, est celui que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné en début de chapitre. Donc, ce récit d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah, il nous prouve ce que l'on a mentionné précédemment, qu'il est interdit d'attribuer la pluie aux astres, et que ceci est un pur mensonge, étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré dans ses versets que ceci est un mensonge. Cela nous prouve donc la fausseté du fait d'attribuer la pluie aux étoiles, et qu'il est obligatoire pour le musulman de ne l'attribuer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas aux astres, car celui qui l'attribue aux astres, il a certes mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. On a donc terminé ces deux chapitres. On verra dans le cours de demain, inshallah ta'ala, le chapitre 31, dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous parle de l'amour d'autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.